Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, une secte américaine, NXIVM, prononcée Nexium, et un gourou, Cave Ranier. En 2017, l'Amérique découvre avec effroi qu'une communauté dite de développement personnel, notion à géométrie variable, a lavé le cerveau de centaines d'adeptes après les avoir coupés de leurs proches. C'est le propre de toutes les sectes. Mais toutes ne réduisent pas des femmes en esclavage sexuel jusqu'à les marquer au fer rouge des initiales de gourou. Car ici, le fer rouge n'est pas une expression, une formule, c'est une réalité. Le pseudo-cercle philosophique, créé en 1998 par cet Américain parti de pas grand-chose, pour arriver nulle part ou en prison, ce qui est à peu près la même chose, Cave Ranier cachait une secte dans une secte, une société secrète où des femmes étaient recrutées par d'autres femmes pour satisfaire les folies du gourou criminel qui aura ainsi détruit des dizaines de vies. Notre invité aujourd'hui, Thomas Urbain, journaliste pour l'AFP à New York, il a couvert cette affaire. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. État New York. Coupe au bol, lunettes rondes, pull épais en laine, Cave Ranier. Qu'on appellera Ranier, par commodité aussi parce que son nom s'écrit à la française. Bref, cet homme de 30 ans trône sur une estrade à côté d'un paperboard, stylo feutre noir en main. Il explique au public assis devant lui comment son entreprise lui permettra de gagner de l'argent très facilement tout en consommant au meilleur prix. Son auditoire boit ses paroles. Sur la grande feuille blanche que le businessman pointe du doigt, des cercles reliés les uns aux autres qui forment une pyramide. Pour s'enrichir, il suffit à ses prochains adhérents de recruter de nouveaux membres, de les parrainer, et le tour est joué. Celui qui deviendra le chef de l'une des sectes les plus dangereuses des États-Unis n'a rien du gourou New Age, aux cheveux mi-longs, qui fréquente vedettes et grosses fortunes, ce qu'il deviendra plus tard. Mais là, à cette époque, il est simplement à la tête de Consumers Byline Corporation, un club d'achat qui marche fort et un programme de vente multiniveau qui gonfle jusqu'à compter 250 000 membres au début des années 90. Ce trentenaire l'atteste, il aurait vendu 1 milliard de dollars en biens et services. Il affirme peser 50 millions. Ranier, c'est le succès made in USA, le rêve américain. Une idée lumineuse et à vous la fortune. La presse locale l'encense et le décrit comme un génie du marketing excentrique qui ne dort qu'une poigne d'heures par nuit, qui sait jongler et pédaler sur un monocycle. Car tels sont les héros contemporains des businessmen qui travaillent leurs muscles. Et à cela, on ne refuse rien. Ranier embauche ainsi l'acteur Eddie Albert pour la diffusion d'une interview, ou plutôt d'un publi-reportage diffusé à la télé, un programme qui vante les mérites de son entreprise. Une sorte de tapis version US. Son nom est Cave Ranier. Son idée s'appelle Consumers Byline. Et j'aimerais vous présenter ce jeune homme impressionnant. Cave, heureux de vous revoir. Oui, ravi de vous voir moi aussi. C'est une idée étonnante. Parfois le plus étonné, c'est moi. Mais Consumers Byline est une merveille. Et ça marche. Nous avons été capables de rassembler tout ce pouvoir d'achat, littéralement d'unir des centaines de milliers d'acheteurs pour faire de bonnes affaires auprès des vendeurs. Oui, on appelle ça une escroquerie. Mais à force de fédérer avec son discours opaque, l'entreprise attise les soupçons. Les clients s'endettent et commencent à se plaindre. Des enquêtes financières sont lancées dans plus de 20 États américains. D'où il ressort, clairement, que Consumers Byline fonctionne comme une pyramide de Ponzi, montage financier qui rémunère ses adhérents via des fonds gagnés grâce au recrutement de nouveaux entrants. Plus on est de fous, plus on rit. Et moins on gagne. Ça s'appelle une arnaque donc, une entourloupe qui fait miroiter aux Américains des classes populaires, argent, succès et vacances sous les tropiques. En 1993, le procureur général de New York intente une action civile. Consumers Byline ferme ses portes et ouvre celle de la carrière de Cave Ranier. Notre homme né en 1960 à Brooklyn, enfant de Brooklyn, en titre d'une bio, ça le fait bien. D'autant que le spécimen se considère dès l'enfance comme un génie, vous savez, de ces mômes solitaires qui s'enferment dans leur chambre pour effectuer des calculs compliqués pendant que les autres jouent au ballon dans le jardin. Il ne manquerait plus qu'ils se mélangent aux autres. Quand on lui demande de raconter son passé, Ranière explique qu'il a su parler complètement à 1 an et qu'il savait lire à 2 ans. Autodidacte autoproclamé, il dit avoir atteint à 12 ans le même niveau de mathématiques qu'un lycéen en seulement 19 heures de bachotage. Respect. À ceci près qu'il suffit de gratter l'image du fils unique surdoué pour découvrir une réalité moins glorieuse. À la maison, l'ambiance est carrément pourrie. Un père qui travaille dans la pub, une mère professeure de danse, il divorce quand Kate a 8 ans. Il suit sa mère à Suffern, une banlieue de l'État de New York, terminus de la ligne entre le New Jersey et Manhattan. Maman boit, beaucoup. Son fils essaie tant bien que mal de la surveiller, mais elle ne résiste pas à son péché mignon. Un mélange de liqueur et d'anxiolytique, idéal pour passer de vie à trépas. Ce qui survient quand Kate fête ses 18 ans, la liberté, tout ça. Il suit des cours dans une grande université, Rensselaer Polytechnic Institute. Il raconte qu'il y a décroché en 1982 un diplôme de maths, biologie et physique. Ce qu'il ne dira jamais, c'est qu'il a été diplômé d'extrême justesse. D'autres approximations biographiques s'en donnent à cœur joie. Kate Ranière se vante dès l'aube des années 90 de faire partie du Guinness Book des records en tant qu'homme ayant l'un des QI les plus élevés du monde. C'est décidément une idée fixe. Mais là encore, il suffit de fouiller, et si l'on s'en donne la peine, on s'aperçoit que le nom de Kate Ranière apparaît uniquement dans l'édition australienne de 1989 en tant que gagnant d'un test obscur porté par un organisme inconnu, la Mega Society. Le tout sans validation scientifique, enfin n'importe quoi. Quand elle rencontre l'imposteur en 1990 à Rochester, Tony Natalie ne se doute pas qu'elle va tout plaquer, mari compris. Il se trouve que son époux veut assister avec elle à une conférence de Consumers by Line, ou l'art de creuser sa tombe. Dans son livre paru en 2019, The Program Inside the Mind of Kate Ranière, Tony raconte le choc de cette rencontre. C'est l'homme le plus intelligent du monde, m'a dit mon mari. L'homme le plus intelligent dans le monde? Eh bien, l'un des plus intelligents, son QI est supérieur à 200. L'un des plus élevés jamais mesurés. Et il vient ici, à Rochester. Il m'a montré la coupure de presse. L'homme sur la photo était jeune, un beau garçon avec une belle chevelure et des lunettes rondes à la John Lennon. Un geek. La première chose que j'ai remarquée à propos de Keith, c'est sa petite taille, 1m67 environ. Plus il parlait pendant la conférence, plus il atténuait nos doutes. « Vous avez un QI de 240 », lui ai-je dit après la présentation. « Pourquoi ne guérissez-vous pas le cancer? Pourquoi ne changez-vous pas le monde pour en faire un meilleur endroit ?»« Je change le monde », répondit-il sans hésitation. « Je suis en train de rendre le monde meilleur. Veux-tu me rejoindre ?» 2 ans plus tard, en 1992, envoûté par l'esprit de Kate Ranière, Tony et Natalie quittent son époux et s'installent avec ce qui est déjà en quelque sorte son gourou. Après l'échec de Consumers by Line, le couple se lance dans la vente de vitamines et de compléments alimentaires avec l'aide de charlatans se disant médecins. Nouvelle boîte, nouvelle arnaque, mais le principe reste le même. Une pyramide de Ponzi. Et toujours la force de persuasion. La communication en livre, Kate. Le choc des mots et des images. Et il dit, vous savez à quel point l'odeur des billets neufs fait trembler vos narines comme un lapin? Alors imaginez la sensation de ces billets. Faites-la entrer cette sensation dans votre conscience. Fermement, lance-t-il, par exemple, à de potentiels acheteurs lors d'une présentation. En novembre 1997, il croise la route de Nancy Salzman, 43 ans. Il assiste à l'une de ses conférences intitulée « Communication irrésistible ». Cette psy pratique la PNL, ou programmation neuro-linguistique, une méthode de communication pseudo-scientifique qui fait fureur à la fin des années 90, avant d'être épinglée pour dérive sectaire par plusieurs organisations sérieuses et reconnues, elles. Nancy Salzman sort d'une période difficile. Alors elle trouve en Ranière un guide spirituel, décèle son pouvoir de prédicateur et tombe immédiatement amoureuse de l'imposteur déguisé en génie. Il n'y a probablement aucune découverte depuis l'écriture aussi importante que l'humanité que la technologie de Monsieur Ranière, écrira-t-elle. Elle devient sa disciple numéro un et son associé principal, sa business partner. Tony Nathalie, elle, voit son couple se détruire peu à peu. À cette période, l'Amérique de la fin des années 90 fait face à une tendance qui rafle tout sur son passage. Le développement personnel et la psychologie positive. Alors déjà, il faut comprendre le titre. Mais bon, disons pour résumer qu'il s'agit de l'Amérique de la gagne individuelle, de la volonté et de la motivation. En cinq mots, la loi du plus fort. Surfant sans complexe sur cette idéologie qui enterre toute idée d'humanisme, le duo Ranière-Salzman fonde en 1998 l'Executive Success Programs, ou ESP, qui deviendra 5 ans plus tard NXIVM, prononcé Nexium. Ouf. L'entreprise installe ses locaux dans la petite ville tranquille de Clifton Park, dans l'État de New York. Les premières sessions de l'ESP se tiennent en octobre et novembre 1998 avec une petite dizaine de participants. En 99, Tony Nathalie rompt avec Ranière après 7 ans de relation. Nous avons trouvé la brochure en ligne qui présentait l'ESP sur le site personnel de Ranière, supprimée depuis. L'Executive Success Programs a été fondé en 1998 par Keith Ranière et Nancy Salzman et se concentre sur la création de cohérence dans tous les domaines, aidant les individus à développer leurs atouts émotionnels, pratiques et intellectuels, tout ce dont ils ont besoin pour atteindre leur potentiel maximum. Le personnel de l'entreprise et les programmes de développement personnel ont aidé les individus et les organisations à se transformer en joueurs d'équipe pleins de ressources. Executive Success Programs s'appuie sur des standards d'excellence et propose une technologie unique et brevetée appelée Rational Inquiry, qui met en valeur les performances humaines dans tous les champs des efforts humains. Cette technologie, développée par Keith Ranière, a été mise en œuvre par la présidente d'Executive Success Programs et Nexium Corporation, Nancy Salzman, partout aux États-Unis et au Mexique. Nexium propose des méthodes pour gagner en confiance et réussir. Des citoyens un peu paumés trouvent un objectif pour combler un vide. Alors ils n'hésitent pas à participer à ces formations qui peuvent coûter jusqu'à 5 000 $ la journée. En tout cas, Consumers Byline, les vitamines, terminé. Maintenant, on vend des séances de coaching. Objectif des nouveaux membres de Nexium, les étudiants. Oui, il faut les recruter pour qu'ils recrutent de nouveaux participants qui puissent devenir coach à leur tour et puissent ainsi recruter qui vous savez. Ce n'est ni plus ni moins qu'une pyramide Ponzi humaine. Mais encore faut-il gravir les échelons de ce groupe présenté comme un cercle philosophique. À l'instar des arts martiaux, où le rang d'un compétiteur est indiqué par la couleur et les rayures de sa ceinture, les membres de Nexium portent des écharpes, du blanc au violet, rayures comprises. Plus un adepte recrute, plus il gravit les rangs de la pyramide. Car la hiérarchie y est essentielle. Les élèves appellent Keith Ranière Vanguard, un titre inventé à la faveur des effluves New Age, une trouvaille qui fait référence au jeu d'arcade auquel jouait le gourou plus jeune. Nancy Salzman doit être nommée préfète par les étudiants, c'est obligatoire. Et puis des portraits du couple, avatar de Nicolas et Elena Ceausescu, sont accrochés au mur des locaux où se déroulent les séminaires. Sans rencontrer le fondateur Keith Ranière, les futurs membres signent d'abord une promesse de non-divulgation sur la méthode de l'ESP. Ce qui se passe à Clifton Park reste à Clifton Park. Dans un second temps, lors de sessions en petit groupe avec un coach, tour à tour, on confie ses doutes, ses complexes et ses secrets les plus profonds, le tout dans une sorte de séance d'hypnose. Ranière et Salzman ont ainsi connaissance de toutes les faiblesses de leurs adeptes. Le gourou et son disciple numéro un n'ont plus qu'à s'engouffrer dans ces failles psychiques pour un lavage de cerveau efficace, garanti sur facture, bien sûr. Avec cette méthode cognitive obscure et brevetée, difficile de ne pas penser faire le parallèle avec la dialectique psychique. psychothérapie pseudo-scientifique qui cache une technique de manipulation imaginée par Ron Hubbard dans les années 50, l'un de ces illuminés qui ne peuvent s'empêcher de fonder une secte qui, celle-là, répond au nom de Scientologie. Sensible. Fabrice Drouel. Chaque mois d'août, c'est l'apothéose pour les membres de Nexium. C'est la V-Week ou Vanguard Week qui célèbre l'anniversaire du guide spirituel que beaucoup d'adeptes vont rencontrer pour la première fois. Tout ce beau monde se retrouve au Silver Bay Center, base de loisirs plantée au milieu de la forêt au bord d'un lac. 7 jours de colo à l'américaine entre cours de comédie musicale et parties de volley-ball. Si un adepte croise le gourou, il s'embrasse sur la bouche pour se saluer. Pendant la V-Week, interdit de filmer ou de prendre des photos. C'est l'équipe de Cave qui s'en occupe. Et sur les réseaux sociaux, l'image est contrôlée. Le 26 août, fin du séjour et clou du spectacle. Chaque communauté Nexium, répartie en régions, monte sur scène pour proposer une performance à la gloire de l'idole. Ça peut être une danse, un morceau de musique ou un discours larmoyant à la gloire du chef, genre nord-coréen. Thanks, Vanguard, and happy birthday from all of us. Happy birthday, Vanguard! Happy birthday, Vanguard! Vanguard, there's a question that you ask me frequently. Vanguard, il y a une question que tu me poses fréquemment. Est-ce que le fait que tu fasses partie de ma vie l'améliore? Et je n'ai pas assez de mots pour te dire à quel point c'est le cas. Et je ne suis pas la seule. Mon cœur est reconnaissant pour toi, Vanguard. Tu nous permets de grandir chaque jour pour devenir les personnes que l'on veut devenir. Rien de tout ça n'aurait été possible sans toi, Kiss. Pour la galerie, Ranier et Salzman recrutent des célébrités et des grosses fortunes. De riches héritières comme les sœurs Bronfman, filles de l'ancien directeur des entreprises Seagram, géant dans le monde des spiritueux. Se montrer avec eux, c'est l'essentiel. Précieuse caution. Et puis, des documents attestent que plusieurs millions de dollars provenant des fortunes fréquentées ont été dépensés pour financer les activités de Nexium. Ranier dilapide cet argent dans des investissements immobiliers erratiques. Au fil des ans, des vedettes de série B rejoignent les rangs de la communauté. de la Canadienne Sarah Edmondson de Stargate, à Catherine Octenberg de Dynasty et sa fille India, recrutée à 19 ans et qui passera 7 ans de sa vie dans la secte. Mais la figure de proue, c'est Alison Mack, qui joue dans la série pour ados Smallville. 10 saisons à succès qui racontent la jeunesse de Clark Kent, le vrai nom du super-héros Superman. Comme tous les gourous, le mégalo-araignaire pense changer le monde. Pour garder une trace de la révolution qu'il est en train de mener, tout est filmé, enregistré, photographié. Parmi les heures de rush disponibles s'enchaînent les échanges philosophiques entre Vanguard et ses étudiants. Ici, avec l'actrice Alison Mack, il échange sur la nature de la créativité. Il fait des phrases, elle boit ses paroles, absconse. Dans les yeux de la jeune fille filiforme au châtain, aux cheveux châtain clair, brille cet éclat de folie qu'est le fanatisme. La première question que j'aimerais poser, c'est... Tu as une liste de questions, mon Dieu. Et je me demandais si tu pouvais expliquer quel est ton point de vue sur la nature de la créativité et s'il existe un procédé pour la créer. Créer de la créativité, c'est ça? On considère souvent la science et la créativité comme des concepts opposés, alors qu'ils ne le sont pas. L'inhérence en science est cette notion qui prouve qu'on peut avoir du libre-arbitre. Le principe d'incertitude évoque nos limites en science et de comment on peut observer les choses. Ce que je veux dire, c'est que si on a quelque chose que l'on peut prédire, cela ne devient pas créatif du tout. Cela ne révèle pas du libre arbitre. C'est de la science. Au fur et à mesure des films promotionnels, des marathons faussement caritatifs, jusqu'à des rencontres avec des personnalités comme le Dalai Lama en 2009, plus rien n'arrête l'ascension de Nexium. Entre la création de la secte et sa chute en 2018, 16 000 personnes ont participé à au moins un atelier de développement personnel prodigué par l'entreprise de Kefranier. Pendant ces sessions, les coachs martèlent qu'il faut se débarrasser des personnes négatives de son entourage. Comprenez de toutes celles qui ne croient pas en Vanguard ou qui critiquent le groupe. Les ingrédients du système totalitaire dont se dotent les sectes sont réunis. Les membres de Nexium sous emprise coupent les liens avec leur famille. Des proches commencent à s'inquiéter et les premières allégations dénonçant des dérives sectaires surviennent dès 2003. Mais le gourou et ses sbires répondent par les procès en diffamation. L'influence de certains membres haut placés fait même taire les enquêtes criminelles. Vanguard semble intouchable. On ne sera pas étonné de découvrir que sous ces discours de développement personnel bienveillant se cache l'itinéraire d'un monstre. Au fil des sessions, les propos du guide spirituel prennent un virage inquiétant, au point de finir en apologie du viol. Grâce à cet enregistrement d'une conférence, voici ce que les membres de Nexium peuvent entendre de leur guide spirituel. Le problème des abus sexuels, c'est que dans certains états, c'est l'âge qui légifère, c'est l'âge du consentement. Dans certains états, c'est 17, dans certaines parties du monde, c'est 12. Donc ce qui est un abus pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Donc qu'est-ce que c'est vraiment? La personne est-elle un enfant ou un adulte? Certains petits-enfants sont très heureux avec ça. Pour coller avec les objectifs misogynes du créateur de Nexium, Nancy Salzman, toujours sous hypnose consentie, imagine alors la création d'ateliers de groupes selon le genre. En 2006, naît ainsi le groupe Genes, dédié aux femmes de la communauté. Pendant ces rassemblements, elles sont encouragées à parler de leurs ressentis en tant que femmes, de leur expérience de la sexualité et de ce qui les rend honteuses. Oui, honteuses, pas heureuses. Dans une autre pièce, les hommes font de même. Il faut compter 5 000 $ chaque jour sur une durée de 11 jours de formation. Les coachs font répéter aux participants qu'hommes et femmes sont différents. Les hommes sont des victimes réprimées. Les femmes, elles, sont déloyales, colériques. Et le pire, c'est qu'elles s'en tirent toujours, les fourbes. Autre grande différence, selon ce que Ranier a appelé l'hypothèse primitive, c'est que la gente féminine est naturellement monogame, contrairement à son homologue masculin. Ce qui arrange bien notre gourou. Lors de ces sessions, une confrontation a lieu entre les deux groupes. Les hommes doivent insulter les femmes, en hurlant les mots qu'on imagine. Selon l'enseignement des lieux, c'est ainsi qu'elles vont s'endurcir. Mais pourquoi s'endurcir? Pour l'instant, on ne sait pas. Toujours est-il que les femmes, ainsi traitées, en sortent ramollies, épuisées, pire, brisées. Quant à Ranière, s'il n'a pas de vie sexuelle, c'est pour mieux s'enrichir spirituellement. Voilà pour la version officielle. Parce qu'en coulisses, on sait très bien que le patron entretient de nombreuses relations avec plusieurs femmes. Ce qui, dans l'esprit sévèrement intoxiqué de son cercle proche, ne pose aucun problème. Sauf qu'il en veut plus, le gourou. En 2015, au sein de ce féminisme de façade que Janice, un autre cercle féminin et secret, cette fois, voit le jour. C'est une secte dans la secte. DOS, ou D-O-S, comme vous voulez, pour Dominus Obsequium Sororium. Une pseudo-société de sororité censée rendre les femmes plus fortes. Et c'est surtout l'actrice Alison Mack qui est chargée de recruter ses membres. Toutes sont embrigadées suivant le même procédé. Les 8 membres fondatrices de DOS parlent sous le sceau du secret aux arrivantes ou postulantes. Elles agissent sous les ordres de Ranière, mais sans l'évoquer directement. Elles décrivent à leur proie que DOS n'est rien d'autre qu'un cercle élitiste de femmes. Un programme avancé où un groupe sélect de Nexium promet de se soumettre à vie aux principes étudiés lors des sessions de jeunesse. Comme un groupe de Walkerie autour du gourou. Condition d'entrée, respecter les ordres que leur maîtresse, oui elle l'appelle comme ça, celle qui les recrute, leur donne au début. Ce sera étrange, leur disent les recruteuses, faussement rassurantes. Faudra se forcer un peu, mais vous verrez, c'est un chemin vers la plénitude. Alors, toutes s'installent près de chez Kefranière, dans la banlieue de Clifton Park. Personne ne doit être au courant de l'existence de DOS, surtout pas les proches. Et pour en être certaine, la recruteuse demande à sa recrue de lui fournir des documents compromettants, appelés collatéraux. Des photos nues ou des vidéos où elle confesse ses secrets les plus sombres. De quoi les faire chanter s'il leur vient l'envie de parler. Dans le livre Scared, Comment j'ai échappé à la secte Nexium, l'actrice canadienne Sarah Edmondson revient sur son recrutement par Lauren Salzman, fille de Nancy Salzman. La première étape consiste à faire un vœu d'obéissance à vie. Obéissance était un mot que nous avions utilisé tout au long de Jane S., un terme qui me faisait toujours lever les yeux au ciel. « C'est juste un exercice », avait dit Lauren. « À quel point cela pourrait-il être mauvais pour moi de faire un vœu d'obéissance ?»« Très bien », dis-je avec un haussement d'épaule. Le deuxième point était que je devais accepter que je serais l'esclave de Lauren et qu'elle serait mon maître. J'ai dû lui jeter un regard incrédule, car elle expliqua plus tard avec désinvolture, mais pas comme un vrai esclave. La troisième chose à laquelle je devais me plier était de porter un bijou, comme un collier, un bracelet de cheville ou une chaîne autour de mon ventre que je n'enlèverais jamais, pour symboliser le lien envers le maître. Lorraine a dit que je pourrais prendre mon temps pour choisir la pièce parfaite. L'engagement final était le tatouage, comme elle l'appelait à l'époque. Elle m'a dit que c'était la taille d'une pièce et que ce serait vraiment joli. En pleine nuit, la recrue de vie esclave doit répondre à tous les SMS de sa maîtresse ou de Cave pour leur dire qu'elle est « ready », prête. Bien que DOS soit présenté comme n'ayant aucun lien direct avec Vanguard, les maîtresses conseillent à leurs esclaves de perdre du poids parce que Cave préfère les femmes minces, figurez-vous. Soumise à un régime sévère, privée de sommeil à cause des textos nocturnes, une dizaine de ces femmes doivent entre autres demander l'autorisation de manger tel ou tel aliment. Si elles refusent, elles sont torturées. Sur des personnes épuisées physiquement et psychologiquement, le lavage de cerveau n'en est que plus efficace. D'où les viols perpétrés par Kev Ranière sur une dizaine de victimes, plus encore 15, dit-on. Au bout de quelques mois, conditionnées, les femmes de DOS doivent elles aussi recruter leurs proches et leur demander des vidéos et photos compromettantes. À la fois victime et complice, la proie est coincée. Difficile en effet de dire quoi que ce soit de la secte dans ces conditions. En 2016, c'est l'heure de l'engagement final pour DOS. Le tatouage, qu'on dit de la taille d'une pièce, sauf qu'il ne s'agit pas ici d'encre indélébile. Non, une idée monstrueuse a germé dans l'esprit malade du gourou Ranière, marqué au fer ses adeptes. Aidé de son cercle proche, il cherche un symbole. Ce seront ses initiales et celles d'Alison Mack entremêlées dans un triangle. Mais les esclaves ne le sauront pas, enfin, pas tout de suite. Elles ne verront qu'un dessin géométrique étrange, pensant à un signe de ralliement New Age. Et puisqu'il faut garder à tout prix notre race de Cave Ranier, au cas où son immense génie tomberait dans les oubliettes de l'histoire, ses adeptes enregistrent tout. Comme ici, quand il parle pour la première fois du marquage avec Alison Mack, lors de l'une de ses traditionnelles balades matinales dans les rues de sa banlieue résidentielle. Allison, what's the date? January 9th. Ici Allison, le 9 janvier 2016. 9h du matin, on discute du marquage pendant notre promenade. Je pensais qu'on pouvait faire ce marquage à l'ancienne. Donc, quelqu'un récite ce truc pendant qu'une personne se fait marquer et la personne qui se fait marquer doit le répéter. Ouais, un truc comme ça. Vous trouverez. Premièrement, celle qui se fait marquer doit être totalement nue, tenue sur la table. Un peu comme un sacrifice. Il faut évidemment la filmer sous plusieurs angles pour avoir du collatéral. Et la personne doit demander à être marquée. Elle pourrait dire, s'il te plaît, marque-moi, ce serait un honneur. Ou quelque chose comme ça. Un honneur que je veux porter pour le reste de ma vie. Je veux, tu parles. Plaqué de force sur une table par d'autres membres de la secte. Une néostéopathe fidèle de Vanguard marque chacune des esclaves au stylo cautérisateur. Tout est filmé. La douleur est intense, l'odeur de chair brûlée insoutenable. Les femmes marquées à vie. Quand il aperçoit la brûlure sur l'aine de son épouse, le mari de Sarah Edmondson, lui aussi membre d'Axiom, éructe. Le couple fuit la secte et contacte la presse. En octobre 2017, le New York Times donne la parole à l'actrice canadienne qui raconte le dessous de l'affaire. L'enquête fait l'effet d'une bombe. En réaction à ces déballages dans la presse, les adeptes d'Axiom, qui ne se doutent pas de l'existence du harem de Vanguard, quittent le groupe. Premier exode. L'ex-caméra officielle de la communauté en possession d'or de roche sur la secte claque lui aussi la porte. Une aubaine pour la police qui dispose de preuves supplémentaires. Mais un noyau de fidèles, des plus dévoués s'agglutinent, plus fervents que jamais autour de Vanguard. Alors que les journalistes commencent à rôder dans les rues de Clifton Park, Ranier et Mack demandent aux irréductibles de Dos d'effacer tous les messages reçus par leur maîtresse et leur gourou. En novembre 2017, Vanguard s'enfuit à Puerto Vallarta, au Mexique. Il change de numéro de téléphone et d'adresse mail. Quelques mois plus tard, en février 2018, un mandat d'arrêt est lancé contre lui. Alors que ses derniers fidèles le rejoignent, une photo de l'un d'entre eux postée sur le réseau Instagram permet à la police de localiser la ville mexicaine où se cache le groupe. La police d'investigation américaine demande alors l'aide de la police fédérale du Mexique. Et le 26 mars 2018, équipés de mitraillettes et de gilets pare-balles, les agents cerclent la maison luxueuse, puis défoncent la porte de la chambre du gourou. Il s'est tapi dans un placard après avoir organisé une cérémonie, comprenait une orgie avec ses esclaves sexuels. Il est extradé aux USA par la police. Voici l'homme que le FBI accuse d'avoir perpétré des crimes contre l'humanité. Il a créé une société secrète de femmes qu'il considérait comme des esclaves sexuelles. Certaines d'entre elles ont été marquées avec un symbole incorporant ses initiales. À l'été 2019 s'ouvre le procès du gourou. À cette occasion, les États-Unis, fascinés par cette secte de vedettes américaines, découvrent d'autres détails sordides. Le prédateur sexuel est aussi accusé de détournement de mineurs. Sur la vingtaine d'esclaves que comptait Doss, l'une d'elles n'avait que 15 ans. Il a aussi séquestré pendant plusieurs mois dans sa maison de Clifton Park une autre adepte, Daniela, dont le journal intime a fuité sur la toile. Après 6 semaines de procès, Cave Ranier est jugé coupable de 7 chefs d'inculpation, dont trafic sexuel et corruption de mineurs. Il est condamné le 27 octobre dernier à 120 ans de prison, ce qui le fera sortir à peu près à l'âge de 160 ans. À la sortie du tribunal de Brooklyn, les victimes expriment leur soulagement. Mais certains vénèrent encore leur gourou, toujours conditionné. Un site internet est créé par ses défenseurs qui s'expriment face aux journalistes. Et le discours est rodé. Tragic day for all of us. C'est un jour tragique pour nous tous. Nous pensons que la première victime ici a le droit à un procès équitable. Certaines déclarations de victimes ont été davantage mises en valeur. Elles n'ont pas été faites sous serment ou croisées avec d'autres. Elles peuvent condamner un homme à la prison à vie. Les preuves qui ont été soumises à la cour ont été oubliées. Doss a été grossièrement mal représenté. Nous voulons être certains que vous entendiez l'histoire de 8 femmes qui étaient aussi dans Doss. Nous allons commencer à raconter notre histoire sur notre site. Merci. L'an dernier, en à peine 6 mois, 2 séries documentaires sortent sur les plateformes en ligne. The Bow pour HBO et Seduced pour Amazon Prime. Leur succès est immédiat. Au même moment, des membres de la secte sont repérés dansant devant la prison où Cave Ranier est incarcéré. Ils ont infiltré une association de soutien aux détenus américains pour exprimer leur ralliement une dernière fois avant garde. Alison Mack, star déchue de Smallville, elle a plaidé coupable. Elle encourt 40 ans de prison. Cette histoire est celle d'une emprise, c'est l'histoire d'une secte qui ressemble aux autres sectes. Paradis artificiel, zone de non-droit, système totalitaire, culte de la personnalité, esclavage, prévarication, vie brisée. L'existence des sectes et leur succès n'ont pas fini d'interpeller l'entendement. Au fait, que veut dire Nexium ? Eh bien en latin, cela signifie fournir son propre asservissement jusqu'à l'extinction d'une dette envers son créancier. Il s'agit d'un contrat d'esclavage qui existait pendant la République romaine. Nexium, le nom de la secte de M. Ranier, alias Vanguard, était en soi un aveu. Sleep. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la secte Nexium, dont nous allons parler avec notre invité Thomas Urbain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de New York. J'ai vraiment l'impression que vous êtes à côté de moi. Vous êtes journaliste pour l'AFP et vous avez suivi le procès de Kev Ranier et son verdict en octobre dernier. Est-ce qu'il y a une particularité aux États-Unis autour de la liberté de culte? On le voit avec la scientologie, on mélange culte religieux et secte. Est-ce que ça veut dire que c'est le pays où les sectes peuvent avoir pignon sur rue? C'est vrai que on le sait en France hein, aussi, les États-Unis, c'est le pays de la liberté de culte, des libertés individuelles, tout est garanti par le fameux premier amendement de la Constitution qui garantit les libertés de culte. Et du coup, c'est vrai que tout ce, il y a aussi les témoins de Jéhovah aussi qui sont un bon exemple de ça. Et à chaque fois, à chaque fois ou presque, on voit à quel point quand des sectes sont démantelées, et y compris en France, elles existent longtemps, et on sait qu'elles existent, on sait à peu près ce qui s'y passe, et c'est difficile d'intervenir, on finit par réussir, mais aux États-Unis c'est pareil, cette secte-là, elle a duré longtemps, et pendant tout ce temps, il y a eu des victimes. C'est vrai que dans le cas, ça a été expliqué très bien dans le récit, c'est que Ranier a eu, dès le début, des appuis importants d'acteurs, de personnalités puissantes. Et du coup, il a très rapidement eu les moyens financiers de contrer toute tentative de contestation de l'intérieur ou de l'extérieur. Il avait une batterie d'avocats qui faisait des procédures dans tous les sens pour contrecarrer la moindre tentative. Et du coup, ça a pas mal retardé, je pense, l'arrivée de la justice sur le dossier. Et en plus, c'est vrai qu'il a sa personnalité fait que c'est pas un David Koresh, c'est pas un Raël, c'est pas un illuminé. Enfin, il a un côté illuminé, mais c'est quelqu'un qui paraît comme ça quand on le voit tout à fait normal, tout à fait pas illuminé, quelqu'un qui est raisonnable, qui est intelligent, qui se présente comme très intelligent. Et du coup, c'est vrai qu'il a un vernis de respectabilité qui fait que je pense que ça a retardé pas mal la justice. Alors, heureusement, parfois, il y a la presse. Hein. Et heureusement qu'elle est là, pour le coup. Et, on peut dire que c'est la presse, et notamment l'enquête de Barry Meyer pour le New York Times, publiée en octobre 2017, je crois, qui a ouvert les portes des investigations. Alors, c'est vrai que cette enquête, elle tombe vraiment... Il y a un timing qui fait que cette enquête est suivie assez rapidement, je crois, un peu plus de 6 mois après, par la station de Ranier. Mais c'est vrai que cette enquête, elle arrive... Le quotidien local d'Albanie, de la région d'Albanie où se trouvait le siège de la secte, faisait des articles et des dossiers depuis au moins 5 ans, je crois, depuis 2012. Alors il y avait pas eu beaucoup de répondants, mais alors cette enquête du Times, elle a correspondu aussi au fait que pas mal de gens, et vous l'avez dit dans le récit, étaient sortis de la secte. Donc Sarah Edmondson, il y a eu aussi beaucoup Catherine Oxenberg qui a beaucoup milité et qui a fait d'une certaine manière l'enquête elle-même, c'est-à-dire que comme elle avait été elle-même membre de la secte, elle avait réuni un tas d'éléments et elle a ensuite confié ces éléments à la presse, à la justice. Et c'est vrai que l'enquête du Times est arrivée pile à ce moment-là, que le timing était parfait. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une particularité dans cette secte, ce sont ces femmes réduites en esclavage, et toutes les sectes ne le font pas, hein, ça c'est une particularité. Quand on a découvert ça, c'est ça qui a attiré l'attention, j'imagine, parce que les sectes, on est habitué, mais cette réduction en esclavage de femmes, prisonnières au bout du compte, c'est ça qui a créé l'émotion. Bah c'est ce dont vous parliez à la fin, c'est-à-dire Dos, oui. pris par sa toute puissance, Ranier commence à partir sur du tatouage, la cautérisation, des rituels, enfin tout a été évoqué pendant le procès, rituels sadomaso, enfin il y a tout un et là en fait, en partie parce que des gens qui étaient dedans et aussi des gens de l'extérieur ont commencé à rapporter ça. Et en plus, il y avait, comme vous l'avez dit, il y avait une mineure dans l'histoire, et donc ça a fait basculer parce que là on était sur des qualifications pénales qui étaient vraiment graves. Combien de femmes ont été victimes de cette méthode-là? On a avancé le chiffre d'une quinzaine, ce qui n'est pas précis. Vous avez un chiffre précis? Il n'y a pas de chiffre précis, mais c'est vrai que c'est sur Dos spécifiquement, on serait autour de 20, entre 15 et 20. Mais c'est vrai qu'avant. Parce que ce qu'il faut bien concevoir, c'est que dès le début de Nexium, dès le début des organisations, même s'il y avait cette histoire de pouvoir, de quête de suggestion, de puissance financière, le sexe a toujours été un élément moteur très très important pour Ragnar. C'est vraiment ça qui, c'était quelque chose d'essentiel. Et il avait déjà commencé à organiser des Nexium, des Genes. Il avait déjà commencé à organiser un cercle où il avait des femmes autour de lui qui séparaient, qui mettaient dans des appartements et qui étaient un peu ses esclaves sexuels. Alors ça, c'est le propre de beaucoup de sectes également, hein, sans aller aussi loin. C'est quelque chose qu'on retrouve dans des sectes en France, par exemple. Thomas Urbain, on va se retrouver dans 3 minutes. Alors je note tout à l'heure que on a entendu la sirène d'une voiture en bas de chez vous, comme quoi on peut voyager avec la radio. C'est formidable. À tout de suite. I need to learn when this thing called love, when it's a mirror, baby. Can you see all those parts of me broken across the world? I need to find some kind of peace of mind. It's a demon, baby. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Thomas Urbain, vous avez assisté au procès de Ragnar. Déjà, lui, comment était-il? Comment se comportait-il? Comment s'est-il présenté? Même la tenue vestimentaire, façon, le comportement, l'homme, quoi, le jour de son Alors, procès. Il était, donc il a quasiment 60 ans. Enfin, maintenant il les a, mais à l'époque du procès, il avait quasiment 60 ans. Donc c'était vraiment l'inverse de ce qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire la personne impressionnante, charismatique. C'était vraiment ce petit monsieur qui était avec une chemise, un pull tous les jours, qui prenait des notes de manière très très assidue, qui écoutait avec beaucoup d'attention tout ce qui se passait. Il a pas témoigné pendant le procès, ce qui est assez courant dans ce genre d'affaires. Donc on l'a juste vu. Et à la fin, par contre, le jour du prononcé de la peine, il s'est exprimé. Alors il a tenu des propos assez ambigu, évidemment, à la fois en s'excusant, mais sans s'excuser. Enfin, c'était pas très très convaincant. Vous avez pu entendre les témoignages des victimes? Oui. Alors, c'est ce qui était. Alors, il y a eu les témoignages pendant le procès, et le jour du prononcé de la peine, il y a de nouveau, et là, ça a duré plusieurs heures, y compris la celle qui était mineure à l'époque, qui n'avait pas témoigné pendant le procès. Mmh. Qui s'est exprimé, et là, bon, ça a été un déluge de choses accablantes pour Ragnard. Sur quel thème vous nous avez menti, on est devenu prisonnier, enfin j'imagine des choses comme ça. Oui, le fait qu'il était, enfin qu'il les avait complètement manipulés et qu'il les traitait comme des morceaux de chair. En fait, c'est ça qu'elle avait employé comme terme, comme des bouts de viande, et que elles étaient à sa merci, à sa disposition, et que il les humiliait, il les enfermait. Certaines, il y en a une qui a témoigné, qui a été enfermée pendant 2 ans dans son appartement sans pouvoir sortir, dans sa chambre même, sans pouvoir sortir. Enfin, c'était ça. Son arrestation. Autre chose, c'est que on parle des victimes et du témoignage des victimes, mais je crois que ses adeptes, enfin les gens qui le soutiennent encore, il y en a, étaient là aussi. Non, vous les avez vus? Oui, alors on les voyait. En général, ils rentraient pas dans le. Ils n'avaient pas accès à la salle d'audience. On les voyait plutôt dehors. Et ils étaient relativement discrets quand même. Mais c'est vrai que, enfin, leur présence était perceptible avant, pendant et après le procès. Alors, pour qu'il y ait procès, il faut qu'il y ait arrestation. Comment s'est passée l'arrestation, dans quel contexte? C'était au Mexique. Qu'est-ce qu'on en a dit au moment où il était arrêté? Ce qu'on en a dit, alors hormis les caractéristiques classiques d'une arrestation, mais c'est que Lauren Salzman, qui était une de celles qui a été inculpée, après, qui était la fille de Nancy. Salzman, Nancy, voilà, a dit en fait que donc lui se présentait comme toujours je vais protéger les, c'était le gourou, la personne qui protégerait tout le monde, qui tout le monde pouvait avoir confiance. Et en fait, le jour de l'arrestation, quand les forces de l'ordre sont rentrées dans la maison où il se cachait, en fait, lui allait directement se cacher dans un placard, et il a laissé Lauren Salzman face aux forces de l'ordre. Et donc, ça s'est terminé de façon un petit peu minable pour lui. Est-ce que ça a provoqué une émotion aux États-Unis, cette affaire, ou est-ce que c'est une affaire parmi d'autres, ou au contraire, est-ce qu'il y a une attention particulière? Il y a eu une attention, oui, parce que c'est assez fascinant. Il y a pas mal d'aspects classiques, comme vous l'avez dit, d'une secte, mais c'est vrai que le côté Hollywood, les acteurs, les personnes puissantes, et le personnage de Ragnard, qui est assez énigmatique, assez le fait qu'il ait les héritières Sigram, tout ça faisait que c'était une affaire quand même particulière et qui sortait vraiment de l'ordinaire. Mais est-ce que Ragnard était bien connu, well known, aux États-Unis, ou il était un peu connu, ou vraiment c'était un personnage, voilà, donc, Ragnard, ça disait quelque chose aux gens. Auquel cas, l'affaire est encore, encore plus d'écho, mais non, il n'était pas connu. Non, il n'était pas. Enfin, c'était vraiment un personnage très local. Enfin, même s'il avait des antennes, il y avait des antennes au Canada, au Mexique. D'ailleurs, l'antenne du Mexique existe toujours, si je ne me trompe pas. Il avait des antennes, il avait des relais. Il y avait, comme vous l'avez dit, il y a près de 16 000 personnes, je crois, qui sont passées par les formations. Mais au niveau national, c'était une goutte d'eau, ça. Enfin, il était vraiment très peu connu. Merci infiniment, Thomas Urbain. Je rappelle que vous intervenez de chez vous, enfin de votre bureau, votre travail, je sais pas. En tout cas, de New York, correspondant pour l'AFP. Merci infiniment. Au revoir. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la secte Nexium, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Mathias Alléon.